Sur la table, des rêves en éclats, ça brille Versace. Coup de lame dans la nuit, lumière tamisée, panache. Des sables qui claquent, les taffes d'un roi palace. Chaque rime un diamant brut, la vie qu'on arrache. Versace sur les épaules, on s'élève dans le nuage. Des histoires de rue gravées dans chaque page. On danse avec le chaos, le beat un mirage. Versace le symbole, luxe et carnage. Cuir noir sur le dos, les loups hurlent des sabbats. Chaque mouvement calculé, le plan une saga. Des visions d'empire, le trône c'est un combat. Tissu d'or drapé sur des rêves qu'on ne brave. Et Versace sur les épaules, on s'élève dans le nuage. Des histoires de rue gravées dans chaque page. On danse avec le chaos, le beat un mirage. Versace le symbole, luxe et carnage. Les rues murmurent des secrets, la gloire à porter. Chaque coup porté, l'écho d'un monde enragé. Le luxe, un piège mais on le porte. Blindé, Versace, armure dorée, on reste affûté. Et Versace sur les épaules, on s'élève dans le nuage. Des histoires de rue gravées dans chaque page. On danse avec le chaos, le beat un mirage. Versace le symbole, luxe et carnage. Secret, la gloire à porter. Chaque coup porté, l'écho d'un monde enragé. Le luxe, un piège mais on le porte. Blindé, Versace, armure dorée, on reste affûté. Versace sur les épaules, on s'élève dans le nuage. Des histoires de rue gravées dans chaque page. On danse avec le chaos, le beat un mirage. Versace, le symbole, luxe et carnage.